ce poème, je l'ai écrit dans la tristesse de la nuit. Un avion vient de partir et mon amour vient de s'enfuir. Mais il me semble que sa voix relie ce poème avec moi. De pluie et de vent, de soleil couchant, de tendresse, de fleurs et de sang, de vin et d'encens, de jeunesse, dans morceaux de pain, dans morceaux de rien, qu'un bien même, je t'écris ce soir, dans mon désespoir, ce poème. Il a la couleur de ces pauvres pleurs que je verse dans ce coin d'hiver, dans ce bruit de mer qui me berce. Ta voix le dira quelque part là-bas, t'entraîne un autre que moi. Je n'ai même pas